très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, retour en Inde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde sort d'un passé colonial. Le passé et la suite. Ce sont les contraintes géographiques de l'espace indien qui sont à l'origine très largement de la compréhension de son histoire. La question du pouvoir. La population vote encore beaucoup en fonction de leur caste et pour des élus de leur caste. Après le premier tour d'horizon autour de l'actuel Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, dont il sera question dimanche prochain dans le nouveau documentaire d'Histoire vivante sur RTS2, nous allons nous intéresser aujourd'hui à notre propre matière, l'histoire, ou plus exactement, à la fabrique de l'histoire. L'histoire de tout pays passe par la représentation que ses citoyens en ont. Nous en parlons suffisamment dans Histoire vivante. Nous allons en avoir un exemple avec votre proposition, Sébastien Farcy, puisque nous allons nous intéresser aujourd'hui, grâce à vous et à votre invité, aux manuels scolaires. Oui, bien sûr, les manuels scolaires ont bien sûr une influence politique très importante, la manière dont on raconte l'histoire, les relations entre les religions, et c'est bien sûr tout le problème d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de manuel d'histoire obligatoire, ni même recommandé. L'éducation est un domaine fédéré, qui relève en fait de chaque État fédéré, qui a le droit de promouvoir et chaque ouvrage et manuels scolaires qu'il désire. Et avec l'émergence des nationalistes hindous dans les régions, eh bien, on a vu beaucoup de manuels scolaires réécrire l'histoire indienne en promouvant justement l'hindouisme et la gloire de l'hindouisme, souvent assez imaginaire, dans ses ouvrages et en faisant passer toute l'histoire moghole musulmane comme une histoire d'esclavage, une histoire de répression des hindous. Donc un récit très dichotomique, très religieux de cette histoire qui pose un gros problème, et surtout avec l'émergence d'organismes privés rattachés aux organisations hindouistes, ces écoles qui, elles, produisent des manuels scolaires qui vont jusqu'à faire l'apologie d'Hitler et de sa ségrégation raciale et religieuse. Mais afin que l'on ne voit pas, nous aussi, le monde en noir et blanc, doit-on comprendre qu'on a brutalement chuté dans des livres, des manuels scolaires, notamment d'histoire, extrêmement manichéistes, où la succession des manuels d'histoire qui ont précédé celui dont nous parlons aujourd'hui avait déjà cette inclinaison vers, disons, un grossissement ou un effet un peu grossier de la présentation de l'histoire. Eh bien, ça a été de manière très graduelle, très progressive, en fait. Il y a eu vraiment, après l'indépendance indienne, et notre invité en parlera très bien, une écriture, une rédaction de manuels scolaires vraiment laïques, basés sur les faits, et qui a été promue par des organismes fédéraux, donc centraux, qui ont ensuite été propagés dans les écoles publiques. Et cela a duré pendant plus de 20 ans, quasiment 30 ans, jusqu'à vraiment une lutte des organisations hindouistes pour réécrire l'histoire selon une vision plus hindouiste. Et cela, depuis les années 90, et vraiment l'émergence du BJP dans le paysage politique, cela a vraiment changé, en plus du fait que les écoles publiques ont vraiment perdu en popularité parce qu'ils ont de moins en moins de moyens, et les écoles privées sont de plus en plus populaires, et les écoles privées sont de moins en moins contrôlées, et leur manuel scolaire quasiment libre. Donc il y a vraiment un changement radical depuis 20 ans. Alors bien sûr, ce ne sont pas la majorité des ouvrages et des manuels scolaires qui sont aussi manichéens, mais c'est une tendance qui est assez dangereuse. Qui êtes-vous allé rencontrer, Sébastien Farcy, pour nous en dire un peu plus sur ce sujet des manuels scolaires ? Eh bien, je suis allé voir quelqu'un qui s'est penché sur cette question justement depuis 10 ans, 15 ans. Il s'appelle Aditya Mukherjee et il est professeur d'histoire à l'université publique de Jawaharlal Nehru de New Delhi, une des plus grandes universités publiques en Inde. C'est un ancien membre du Conseil indien pour la recherche historique et il est lui-même auteur de plusieurs livres sur l'influence des hindouistes dans les manuels scolaires. After independence, it was realized that we need to have a different kind of history, a different kind of economics, a different kind of in our texts. Après l'indépendance, les dirigeants ont considéré important de changer la manière que nous avions de parler de notre histoire et de notre économie dans les livres. Les Britanniques ont en effet complètement tordu cette histoire. Par exemple, quelqu'un d'aussi célèbre que le grand philosophe James Mill, le père de John Stuart Mill, a écrit un livre de plusieurs volumes sur l'Inde sans jamais y mettre les pieds. Il a créé une division entre différentes périodes de l'histoire de l'Inde. Il les a appelées le règne des hindous, le règne des musulmans et le règne des britanniques. L'Antiquité est ainsi nommée le règne des hindous. La période médiévale est intitulée le temps des musulmans. Mais ensuite, ce n'était pas le règne des chrétiens. C'est le règne des Britanniques. Le présupposé est que les Indiens, considérés alors comme des sauvages, ne peuvent se référer qu'à des identités primaires, basées sur la religion ou la caste. Alors que les Occidentaux peuvent, eux, se référer à des idées de nation. Ceci était une manière de réprimer tout nationalisme en Inde. Donc cela devait bien sûr être remis en cause. Au milieu des années 60, le gouvernement et de grands intellectuels décident ainsi de combattre cette catégorisation coloniale et communautaire de l'histoire. Car si on ne le faisait pas, nos divisions religieuses ne se résorberaient jamais. Et la société indienne continuerait à souffrir de ces conflits, car les enfants continueront à apprendre, dès leur plus jeune âge, que leurs religions sont plus importantes que leurs liens humains et politiques qu'ils ont avec leurs concitoyens. Le gouvernement crée donc un comité, composé des plus grands historiens indiens de l'époque et dirigé par Sarvepalli Gopal, le fils du deuxième président de l'Inde. Ses dirigeants les convainquent d'écrire des manuels scolaires pour les enfants de primaire et de secondaire sous la direction du Conseil national pour la recherche sur l'éducation et la formation, le NCERT. Cet organisme veut créer des manuels scolaires exemplaires pour tout le pays. Et il n'y a aucun doute que ces manuels produits furent alors parmi les meilleurs manuels du monde, car c'est très rare que les plus grands penseurs contemporains écrivent des livres pour enfants. Write books for children. It critiqued whatever was wrong in India, like, you know, slave-like situation in ancient India. It critiqued casteism. Ces auteurs n'hésitent en effet pas à critiquer tout ce qui était mauvais dans notre histoire, comme les formes d'esclavage imposées à la population dans l'Antiquité ou les discriminations entre castes. Ils ne font pas un portrait rose de notre histoire. Sinon, cela serait comme raconter l'histoire de l'Allemagne sans parler d'Hitler. Cela ne s'appelle plus de l'histoire. Ces manuels scolaires sont publiés à la fin des années 60 et sont utilisés pendant très longtemps. Et continue partiellement à l'être. Mais ces livres sont remis en cause, pour la première fois, après la période d'état d'urgence nationale. En 1977, le gouvernement du Janata est formé et elle intègre le parti de la droite nationaliste hindoue, issu de l'organisation du RSS, un groupe qui considère Hitler comme leur héros. Ce parti, appelé le BJP, insiste pour obtenir le contrôle de l'éducation et de l'information dans le gouvernement. Et il lance une campagne pour retirer ces manuels scolaires, car ils sont scientifiques, modernes et laïques, et ne donnent aucune place, comme il le souhaiterait, à de l'histoire basée sur des identités religieuses. Mais cette offensive est contrée par un énorme mouvement de résistance, et les hindouistes doivent donc abandonner leur projet. Mais Ils reviennent à la charge. Quand ce parti nationaliste hindou du BJP dirige pour la première fois le gouvernement fédéral de 1999 à 2004, en 2000, ils lancent une attaque contre ces manuels scolaires. Ils les accusent d'être antinationaux, car ils parlent de choses négatives dans l'histoire de l'Inde, comme l'oppression de certaines castes. Ils affirment que ces livres sont également contre les hindous, car ils mentionnent des faits que les hindouistes n'aiment pas. Par exemple, il est prouvé que dans l'Antiquité indienne, on servait de la viande de bœuf aux invités. Et les hindouistes considèrent comme le fait d'inclure cela dans les ouvrages représente une offense aux hindous qui adorent les vaches. Ils demandent donc à ce que l'on retire tous ces passages qui pourraient blesser certaines classes de la population, certaines religions, castes ou groupes régionaux. C'est démesuré, car on ne peut pas enseigner l'histoire ou même les sciences avec de telles restrictions idéologiques. À cette époque, nous organisons alors une campagne contre cette politique. Je participe moi-même à la création du groupe des historiens de New Delhi. Nous publions des livrets pour démontrer que les hindouistes sont en train d'attaquer notre système d'enseignement laïque et scientifique pour le transformer en un enseignement religieux. Et nous réussissons partiellement à contrer leurs attaques, et c'est alors que le parti du BJP perd les élections de 2004. Sébastien Farcy, nous interrompons un petit instant cet entretien autour des manuels scolaires pour nous arrêter sur cette question de la perte des élections par le BJP, le parti actuellement au pouvoir. Les grands partis en Inde sont capables de perdre des élections. Vous nous avez dit déjà, Sébastien Farcy, qu'il en avait été le cas pour le parti du Congrès, l'historique parti du Congrès. Le BJP, lui également, perd ses élections en 2004. C'est ce dont vient de nous parler votre invité. Est-ce que la perte des élections pour les très grands partis correspond toujours au même type de symptômes qu'on pourrait enchaîner par corruption ou rien à mettre dans la casserole malgré les promesses électorales précédemment tenues, etc., etc. Au fond, ce qui caractérise la plupart du temps la perte des élections pour tout grand parti, quel que soit le pays dans lequel l'élection se déroule. Cette perte des élections en 2004 a vraiment montré que, d'abord, la démocratie indienne est très dynamique et assez saine. Dans les 5 ans du gouvernement donc, des nationalistes hindous entre 1999 et 2004, encore une fois, le BJP a fait la promotion d'une Inde moderne, urbaine, et India is shining, c'était le slogan, l'Inde brille, sauf que sur le terrain, l'Inde ne brillait pas du tout et la pauvreté était toujours aussi forte. La modernisation des villes n'allait pas compenser la pauvreté des campagnes. Et je pense que c'était vraiment l'un des facteurs qui a fait cette déconnexion vraiment entre la réalité projetée, encore une fois, hindouiste et urbaine du BJP face à la pauvreté des campagnes. Et c'est un défi auquel fait face Narendra Modi aujourd'hui, c'est que le BJP continue à promouvoir cette Inde moderne, urbaine, les smart cities dont il parle, sauf qu'il reste 20% de la population qui vit de manière très pauvre dans les campagnes et une paysannerie qui n'a pas à manger. Donc on verra si cette paysannerie renvoie encore une fois la réalité à Narendra Modi et à son parti dans ces élections. Alors nous allons poursuivre cet entretien. Sébastien Farcy, vous nous redonnerez le nom de votre invité en rappelant que la suite de cet entretien, c'est reprendre le fil de l'histoire politique à partir du moment où le parti du BJP perd donc ses élections en 2004. Et justement, et c'est selon nous parle Aditya Mukherjee, ce professeur d'histoire, qui insiste bien sur l'importance de cette réalité, de revenir au terrain et du défi pour le BJP aujourd'hui dans ces élections. Histoire vivante, cette semaine, retour en Inde. The hope was, in fact, the Congress party came to power arguing that we shall now de-Talibanize education. Il y a donc alors beaucoup d'espoir, surtout que le parti du Congrès, qui vient d'arriver au pouvoir, affirme que nous devons détalibaniser l'éducation et enlever les influences religieuses. Malheureusement, ils ne font pas grand-chose dans les faits. Et l'organisation hindouiste du RSS continue à répandre son poison. Mais ces extrémistes adoptent une nouvelle stratégie. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent retirer ces manuels scolaires du NCERT, car ils sont trop populaires. Donc ils disent qu'ils vont les améliorer. Ils les remplacent donc par des livres qui parlent moins d'histoire et se concentrent sur des thèmes comme le sport, l'habillement. Mais surtout, le plus grave est qu'ils développent alors un système d'éducation parallèle. Dans les années 50, le RSS détient ses propres écoles, appelées Sishu Bharati, ce qui veut dire l'éducation des enfants. Mais à partir de cette époque, il se développe à grande vitesse et ouvre des milliers d'écoles dans tout le pays. Les laïcs, eux, ne réalisent pas assez vite le danger que représente cette éducation parallèle et religieuse. Et concrètement, qu'est-ce qui est vraiment enseigné dans ces écoles influencées par les hindouistes ? Je vous donne un exemple. J'ai écrit un livre sur le système d'éducation de ces écoles des hindouistes. Et je vais vous lire un passage de ce qui est écrit dans l'un des manuels scolaires destinés au quatrième niveau, donc des enfants de 9 ans. Voici ce qu'on enseigne à ces élèves. Partout où va l'islam, ces pratiquants arrivent avec une épée dans une main et le Coran dans l'autre. Des rivières de sang coulent partout où arrive l'islam. Les musulmans détruisent alors les temples et les bibliothèques et insultent nos mères et nos sœurs. Qui dit cela ? Ces mêmes hindouistes qui ont détruit la mosquée de Babri en 1992, qui ont vandalisé la magnifique bibliothèque de Bandarkar à Pune et qui ont perpétré des viols de masse lors des pogroms contre les musulmans au Gujarat. Ils accusent maintenant les musulmans de faire la même chose. Ces enfants grandissent donc en apprenant que les musulmans sont des monstres et que si vous tuez un musulman, vous réalisez un acte nationaliste. Cette vision anti-musulmane est au cœur de leur politique. Et cela a été aidé par les États-Unis qui ont maintenant adopté une politique hostile à l'égard des musulmans après les attentats du 11 septembre. Mais il ne faut pas croire que les chrétiens sont épargnés dans leurs livres. Ils écrivent ceci dans les manuels. C'est à cause de la conspiration des chrétiens que l'Inde a été divisée. Donc pour eux, la partition de l'Inde n'est plus liée aux affrontements entre les hindous et les musulmans. C'est le fait de la conspiration des chrétiens. Bref, ce manuel dit également, et même aujourd'hui, les missionnaires s'appliquent à encourager les attitudes antinationales dans le Nagaland, le Meghalaya, l'Arunachal Pradesh, le Bihar, le Kerala. Toutes les régions, en fait, où il y a d'importantes communautés chrétiennes. Ces propos représentent donc une attaque envers tout ce qui représente l'autre. Et c'est un poison pour la jeunesse de notre pays. Car ce sont ensuite ces jeunes, formés dans ces écoles, qui composent les soldats du parti du BJP. Or, face à eux, il n'y a personne, car les partis laïcs, eux, n'ont pas de tels soldats. Ces enseignements controversés sont pour l'instant limités aux écoles privées qui sont contrôlées ou influencées par les hindouistes. Est-ce que cet enseignement réussit à se répandre et à se développer en dehors de ces structures et à rentrer dans le système plus général de l'enseignement en Inde ? Ils se répandent en dehors, car les hindouistes utilisent les moyens de l'État pour propager leurs idées. Quand ils prennent le pouvoir dans les États régionaux, ces livres sont introduits dans les écoles publiques. C'est le cas au Rajasthan, par exemple. Dans cet État, un manuel scolaire a été publié dans lequel, pour parler du mouvement de libération nationale, il ne mentionne même pas Nehru, notre premier chef de gouvernement, qui est pourtant l'une des plus grandes figures du mouvement d'indépendance. L'ouvrage n'offre qu'une ligne au Mahatma Gandhi. À la place, il parle longuement des figures hindouistes, comme Savarkar, qui s'est pourtant agenouillé et excusé auprès des Britanniques pendant cette lutte pour l'indépendance. Ce livre affirme aussi que ce sont les hindous qui ont bâti le Taj Mahal, et non Shah Jahan, le grand empereur mongol musulman. Pour les hindouistes, tout dans le monde est né en Inde, même la civilisation chinoise. Pour moi, cette éducation représente la contrepartie des madrassas. C'est une réécriture obscurantiste de notre histoire. Look at what they say about Hitler. It is about ideology of Nazism. Encore plus grave, voici ce qui est raconté sur Hitler et sur le nazisme. Pour que la population suive strictement la ligne du nazisme, Hitler a convaincu les Allemands qu'ils représentaient les seuls purs ariens de la planète et qu'ils étaient nés pour diriger le monde. Puis vient une section sur les réussites d'Hitler. En très peu de temps, Hitler a offert de la dignité et du prestige au gouvernement allemand en créant une administration robuste. Il a fait naître un esprit d'aventure à l'homme ordinaire. La politique d'Hitler s'est fermement opposée aux Juifs et a promu la supériorité de la race allemande. Ceci est enseigné au Gujarat, un État qui a été dirigé par le Premier ministre Narendra Modi pendant plus de 12 ans. Ce manuel vient du système public et il est issu du cours d'études sociales pour le 10e niveau, pour des enfants âgés d'environ 15 ans. Oui, cela arrive aujourd'hui, en Inde. Et rien mentionné d'autre sur Hitler, rien sur les massacres, sur le génocide contre les Juifs qu'il a initié. Nothing, not a word. Rien. Not a word that he killed anybody. Même pas un mot sur le fait qu'il ait pu tuer qui que ce soit. Because that is what they want to do, their leaders. C'est normal, car c'est ce que les hindouistes veulent faire. L'un des plus grands leaders hindouistes, Govalkar, l'a explicitement dit. Nous devons nous inspirer de la politique d'Hitler envers les minorités pour maintenir la pureté de la nation indienne. Pour lui, ce qu'Hitler a fait avec les Juifs, il faut le faire avec les musulmans indiens. Donc, pourquoi critiquerait-il la politique d'Hitler ? Ceci n'est bien sûr pas le discours dominant. La plupart de nos enfants n'apprennent pas cela en Inde. Mais même si c'est une minorité, cela représente quand même des millions d'enfants. Et ces millions de personnes constituent ensuite les cadres de ce mouvement d'extrême droite. Vous savez, vous n'avez besoin que d'une vingtaine de soldats de leur cause pour attaquer des intellectuels. Et c'est arrivé. Je suis convaincu, ce sont ces mêmes extrémistes qui ont récemment tué Kalburgi, l'un des plus grands noms de la littérature dans l'état du Karnataka et président adjoint d'université, ou qui ont abattu Gauri Lankesh, une journaliste qui s'opposait au mouvement hindouiste. Comment est-ce que c'est possible qu'un contenu aussi controversé puisse être publié dans des manuels scolaires pour enfants ? Est-ce qu'il n'y a pas un système de régulation ou au moins de supervision de tous ces manuels scolaires en Inde ? D'abord, il faut savoir que les livres produits par l'organisme fédéral NCERT ne représentent qu'une recommandation. Chaque État a ensuite son propre comité qui émet d'autres recommandations. Mais ensuite, aucune école n'est forcée d'utiliser ces livres. Les écoles privées, comme les écoles hindouistes, sont encore plus libres de leur fonctionnement. Or, le problème est que le système d'enseignement public s'est effondré. Dans beaucoup de régions, il a même quasiment disparu. Et les écoles privées ont remplacé celles publiques, même dans les villages. C'est donc le système d'enseignement privé qui produit l'essentiel des manuels scolaires du pays, sans aucun contrôle ou supervision. Ce qui laisse la porte ouverte aux enseignements les plus ségrégationnistes ou obscurantistes. Ces dernières années, avec l'arrivée du BJP à la tête de plusieurs États régionaux, ces livres sont également introduits dans des écoles publiques par le gouvernement local, ce qui est extrêmement dangereux, car cela permet à ce virus de se propager encore plus rapidement. Nous devons donc avoir une politique nationale de régulation du contenu des manuels scolaires. Cela ne veut pas dire que le gouvernement doit intervenir, mais il doit réguler en créant un organisme de supervision des manuels composé par des académiciens de renom. Cela a été fait aux États-Unis. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus diffuser des idées racistes dans les écoles américaines. Vous le pouviez avant. Ils en ont débattu et cela a été interdit. Et leurs manuels scolaires ont dû changer. Nous devons faire la même chose. Nous devons réguler ce qui est enseigné aux enfants. Cela doit représenter la priorité du gouvernement. Régulate what is taught to children. Dans le prochain documentaire proposé par Histoire Vivante, qui sera diffusé dimanche soir sur RTS2, les journalistes présents devant la caméra multiplient leur voix pour évoquer la question de la difficulté d'exercer leur profession. Avez-vous, de ce point de vue-là, quelques indications ? Narendra Modi, le Premier ministre, et son parti sont ultra présents dans les médias, très peu de conférences de presse, Donc peu de contact direct, si j'ose dire, Narendra Modi passant par les réseaux sociaux, comme on l'a dit et comme on le verra également dans le documentaire, mais sur la difficulté des journalistes d'exercer leur activité, y a-t-il de la censure ou y a-t-il également, nécessairement, sans doute, de l'auto-censure ? Ce n'est pas direct, la censure n'est pas directe, on pourrait plutôt parler d'un manque de rapport avec les journalistes. Et c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir parler avec un officiel. Et quand on parle avec un officiel, justement parce que cette parole est très rare, eh bien il faut que les questions soient claires et gentilles. Sébastien Farsi, correspondant en Inde pour la RTS, au micro de Jean Leclerc. Moi, ça a commencé au moment de quand justement je couvrais la campagne de 2014. J'ai été interviewé un dirigeant du BJP qui est devenu après ministre, et je lui ai parlé du contexte économique et je lui ai posé des questions qui le dérangeaient clairement et que je savais qu'il allait le déranger sur les pogroms de 2002 dont Narendra Modi a été accusé d'être vraiment très tolérant. Et bien dès que j'ai commencé à poser cette question, ça l'a énervé, il a fait balader mon micro et m'a dit de partir. C'est la première fois que ça m'arrivait en Inde et on a vu depuis ce genre d'attitude se répéter, voire quasiment l'impossibilité de parler avec des gens si on avait eu la prétention de poser des questions dérangeantes. Eh bien, c'est plutôt cette attitude. On choisit à qui on parle et en général, on ne parle pas parce qu'on peut se passer des médias. On va sur Twitter, on va sur Facebook. Et c'est un peu cette restriction de la parole qui est vraiment très dérangeante parce que du coup, Narendra Modi, en effet, n'a jamais fait de conférence de presse. Il a donné que peut-être 3 interviews à des médias dans toute son exercice du mandat, dont 2 pendant la campagne actuelle. Et il l'a fait à des médias qui sont complètement acquis et des journalistes qui lui ont posé des questions tellement complaisantes qu'on aurait presque l'impression d'être dans une Russie communiste. Donc c'est vraiment un choix tellement limité que c'est plus de la censure, c'est vraiment une communication politique extrêmement choisie, extrêmement planifiée et extrêmement orientée. Qui ne va cependant pas jusqu'à d'éventuelles menaces physiques pouvant être exercées sur les journalistes. Alors les journalistes, nous on fait face à des menaces plutôt indirectes ou plutôt directes, mais sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie armée de trolls qui sont engagés, volontaires ou en tout cas clairement hindouistes. Et dès qu'on aborde la question du Cachemire, ce qui m'est arrivé quand j'ai été au Cachemire, je suis revenu avec bien sûr un reportage qui parlait de la répression de l'armée sur les Cachemiris, de l'hindouisation du Cachemire, de le fait que la population musulmane avait le droit de se battre contre les meurtres de l'armée. Eh bien, tout cela m'a valu une armée de trolls. Et cela, c'est rien comparé à ce que les journalistes indiens, eux, font face. Le troll est devenu vraiment quelque chose de complètement ordinaire. Des menaces de viol, des menaces d'assassinat. Et les assassinats ont lieu, des fois. Il y a eu 2 assassinats de journalistes très réputés ces 5 dernières années qui, elles, avaient enquêté sur l'hindouisation de la société qui a été assassinée. Donc les menaces sont continues, l'exécution ponctuelle, mais encore une fois, le message passe très bien. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas parler. Sébastien Farsi, merci encore à vous. Je vous remercie beaucoup, ça a été très très intéressant, même pour moi.